À donner à celle qui va pas déconner. J'ai de l'amour à donner à celle qui va pas déconner. Le genre de mec bizarre qui traîne qu'avec des gros bonnets. Comment tu veux que ça marche si tu m'aimes parce que tu me connais? En vérité, l'amour est plus faible que la haine. En VIP, de l'alcool, des filles, on fait la fête. J'ai réussi, donc toi tu penses que je me la pète. Depuis, rien n'a changé, j'ai juste investi dans la pierre. Y'a les girons partout, putain, je dois les semer. Maman veut que je baisse tout, je peux pas rester chômé. Élevé à la ceinture, je suis déjà conditionné. Moi, à la fin du parcours, je dois finir premier. J'ai demandé, le ciel m'a répondu. Si tu savais les souffrances que j'endure. Plus c'est dur, on a dit plus c'est bon. Tout le monde dit que le DJ est bon. Monte le son dans la trap. Ça me donne des sensations. Je chante la mélodie des blocs. Ils disent que je suis le mauvais garçon. Mais j'ai pas changé la compo. Compo, compo. Mais j'ai pas changé la compo. Compo, compo. Elle est pas matérialiste, elle a vu les quatre anneaux, mais elle a regardé les gens. C'est pas très intelligent. Toi t'as éteint la te bois, mais va falloir rembourser l'argent du raté des gens. Beaucoup famille, très peu d'amitié. Très peu d'ennui, beaucoup d'on m'a dit. Je me suis fait seul, j'aime pas faire pitié. Aucun regret quand je pense à ma vie. Le tour du monde, un jour ou l'autre, on va le faire. Je suis au théâtre, à Marrakech, à DJ Case. C'est moi la star, j'ai checké le videur de l'épaule. Qui aurait cru que je serais l'étendard de l'Essonne? J'ai demandé, le ciel m'a répondu. Si tu savais les souffrances que j'endure. Plus c'est dur, on a dit plus c'est bon. Tout le monde dit que le DJ est bon. Monte le son dans la trap. Ça me donne des sensations. Je chante la mélodie des blocs. Ils disent que je suis le mauvais garçon. Mais j'ai pas changé la compo. Compo, compo. Mais j'ai pas changé la compo. Compo, compo. Monte le son dans la trap. Ça me donne des sensations. Je chante la mélodie des blocs. Ils disent que je suis le mauvais garçon. Mais j'ai pas changé la compo. Compo, compo. Mais j'ai pas changé la compo.